Chapitre 4e. Oui, mais les soupçons ne se détournèrent-ils pas de M. Ashley pour se porter aussitôt sur son ami ? Vous pensez bien que la police examina de très près les faits et gestes de M. Haverhill, mais vous oubliez qu'à l'heure où le policeman a vu les deux hommes bras dessus, bras dessous, près du square du parc, c'est-à-dire à 2h30 précises, M. Walter Haverhill était encore assis au Harewood Club, d'où il ne partit pas avant 3h-20, heure nettement constatée. Pour guetter au passage et voler M. Aaron Cohen, il n'aurait pas attendu jusqu'à une heure à laquelle, selon toute probabilité, ce dernier était déjà chez lui et couché. En plus, il lui était absolument impossible, de l'avis unanime, de venir à pied du square de Hanovre, où se trouve le Harewood Club, jusqu'au square du parc, d'y chercher quelqu'un dans la nuit et l'épais brouillard, et, après une discussion préalable, de l'assassiner et de vider ses poches, tout cela en 20 minutes. Ici, le lecteur est prié de vouloir bien essayer de trouver l'assassin lui-même. Alors, comment éclaircissez-vous ce mystère ? Le bonhomme dans le coin inclina sa tête de côté et me regarda ironiquement, tout en défaisant avec ses dents un nœud qu'il avait trop serré sur son bout de ficelle. « Vous ne savez pas comment ce meurtre fut commis ?»« Alors, si vous aviez été dans la difficile situation de M. John Ashley, vous n'auriez pas vu aussitôt le moyen de vous débarrasser de M. Aaron Cohen, de le voler, et ensuite de vous moquer de la police de votre pays en lui offrant un indiscutable alibi ?»« J'avoue que je ne pourrais faire en sorte d'être à la fois en deux endroits. » « Certes, vous ne pourriez, à moins que vous ayez un ami. Mais vous dites, j'admire infiniment M. John Ashley, car ce fut lui qui conçut toute l'affaire. Mais il n'aurait pu accomplir ce drame terrible et fascinant sans l'aide d'un camarade dévoué. Mais même alors, c'est pourtant simple. M. John Ashley et son ami, M. Walter Haverhill, quittent ensemble le club et établissent prestement leur plan de campagne. » Puis, M. Haverhill retourne au club et M. Ashley va prendre chez lui le revolver qui joua en effet un rôle important dans le drame, mais non celui que lui assigna la police. Maintenant, observons bien M. Ashley pendant qu'il suit les pas de M. Aaron Cohen. Croyez-vous qu'il entra en conversation avec lui, qu'il marcha à son côté, qu'il demanda un délai ? Pas du tout. Il le rejoint à l'instant où celui-ci va traverser le square au lieu d'en faire le tour. Il se précipite sur lui et par derrière et le saisit au cou, comme les garrotteurs de jadis le faisaient les nuits de brouillard. M. Cohen était apoplectique et M. Ashley était jeune et très musclé. Peut-être cet habitué de tous les sports employa-t-il une des prises terribles du jiu-jitsu, le necklock from behind. Mais M. Cohen et M. Ashley parlèrent ensemble en dehors des portes du square. L'agent Batley les a vus et entendus. Pardonnez-moi, vous vous trompez. S'écria le vieux maniaque en sautant sur sa chaise comme un singe sur son bâton. Il n'y eut pas deux hommes causant dehors des portes du square. Selon le témoignage de l'agent James Batley, deux hommes, bras dessous, s'appuyaient contre la grille et l'un d'eux parlait. L'un d'eux ! Alors vous pensez que, à l'heure où James Batley entendit sonner 2h30, M. Aaron Cohen était déjà mort. Considéré comme cela est simple, facile et merveilleusement intelligent. Pour s'assurer un témoignage qui sera précieux, le vigoureux et adroit M. Ashley parle haut à ce cadavre qu'il maintient aisément debout contre la grille. Le hasard lui fournit non pas un passant distrait, et qui peut-être ensuite ne viendrait pas témoigner, mais un policeman, professionnellement attentif et qui, si le brouillard ne lui permettait pas, même à quelques mètres, d'apercevoir guère plus que les silhouettes des deux individus, ne pouvait en tout cas manquer d'entendre les paroles. Aussitôt que Batley est passé, M. John Ashley ouvre la porte du square et traverse tout le jardin en portant le cadavre. Le square est désert et le brouillard ne gêne pas pour trouver un chemin. Il n'y a qu'à aller tout droit. Oh, ce dut être une promenade pas drôle que celle-là, avec ce cadavre dans les bras, dans la nuit et le brouillard. M. Ashley a des nerfs excellents. Avec des nerfs pareils, il ira loin, ce jeune homme, s'il ne se heurte pas à la potence. Mais voici qu'à ce moment, M. Haverhill a quitté le Harewood Club à toutes jambes. Il se précipite au long de la rue d'Oxford vers le square. Comme convenu, il en trouve la porte fermée seulement avec le pen. Il traverse lui aussi les jardins, gagnant ainsi du temps, car il est long d'en faire le tour, atteint l'autre porte du square, rejoint son complice, et tous deux déposent le corps, en une attitude vraisemblable, sur le trottoir, non loin des grilles. Il est alors 3h-10 ou 12. Sans un instant de délai, M. Ashley retraverse les jardins et se précipite en courant vers le cercle des Beaux-Arts, après avoir jeté les clés du mort près de la grille, à l'endroit même où tout à l'heure il le maintenait debout contre lui. il arrive au club, grâce à la vitesse de sa course, à 3h05. Mr. Havrel attend qu'il soit 3h. À ce moment, son complice est arrivé au cercle depuis 5 minutes. Il commence donc à simuler une altercation violente et enfin il éveille tout le voisinage avec des cris de « à l'assassin » et avec deux détonations de revolver, afin d'établir que le crime fut commis à une heure où l'homme que l'on soupçonnerait aussitôt, et qui était d'ailleurs le meurtrier, jouait aux cartes à 2 kilomètres de là. Vrai. Je voudrais connaître ces deux amis et leur présenter mes félicitations les plus vives. C'est mieux que du beau travail, c'est de l'art. Quel jugement, quelle spontanéité, quel calme. Récapitulons. À 2h, M. Aaron Cohen quitte le Harewood Club. À 2h25 environ, il est assassiné par M. Ashley près du square. À 2h30, ce dernier simule, avec le cadavre qu'il maintient debout contre la grille, une conversation qui, entendue à travers le brouillard par l'agent Bethley, établira un alibi indiscutable en faveur de M. Havrell. Celui-ci est encore au Harewood Club. À 3h20, M. Havrell quitte le Harewood Club. Depuis le passage de l'agent Bethley, M. Ashley a transporté le cadavre à travers le square jusque non loin de la maison de la victime, suivant ainsi le trajet que M. Cohen eut suivi. À 3h10 ou 12, M. Havrell rejoint M. Ashley qui alors prend sa course vers le cercle des Beaux-Arts. À 3h05, il y arrive et s'y installe. À 3h, M. Havrell feint à haute voix une altercation, crie à l'assassin et tire 2 coups de feu en l'air. Chacun des 2 complices a ainsi un net alibi. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce cas, ajouta le drôle de vieillard en mettant cette fois sa ficelle soigneusement pliée dans son gousset. Mais il me paraît que les 2 jeunes gens, 2 débutants, remarquez-le, ont fait preuve d'une stratégie merveilleuse. Ils ne laissent pas une seule preuve derrière eux. Ils prévoient tout et chacun joue son rôle avec un sang-froid, un courage, une précision qui, appliquée ouvertement à une bonne cause, leur aurait valu l'admiration de la foule. Tandis que ces 2 étonnants opérateurs, après avoir évité la justice humaine, ne sont appréciés que par moi, vieil amateur de crimes bien faits. Les crimes bien faits deviennent ensuite des mystères. C'était l'assassinat du parc du Régent par Emma Orgzy.